bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Bienvenue dans le Lobster 123.0. Je veux pas pavoiser, mais au vu de mes prédictions que j'ai fait dans le Lobster 111.0 l'année passée, et au vu de la mort de la reine, je dois vous dire que je me suis senti comme un devin quand elle est morte. Nostradamus Lobster. Et oui, j'avais prédit la mort de la reine Elisabeth II un an à l'avance dans le Lobster 111.0. Et là, il y a des mauvaises langues, pour ne pas nommer mon frère, qui me dit que c'était pas bien dur de prévoir la mort d'une vieille grébitch de 96 ans. Ce à quoi je voudrais répondre que non, c'est pas facile, frérot. Notre grand-mère, elle, a fêté son 99e anniversaire cette année et pourtant, j'ai rien prévu pour elle. Donc, faudrait respecter ma prédiction. J'aurais pu prévoir plein de choses et grâce à mon pouvoir, qui me vient probablement un peu de Nostradamus, car lui est né le 14 décembre 1503 et moi le 5 décembre. Donc, c'est dans le même mois. Donc, grâce à cette espèce de connivence lunaire que nous avons, Nostradamus et moi, j'ai probablement hérité moi aussi du don de prédiction. Et là, oui, je l'entends. J'entends déjà mon frère railler, car lui, il est né le 14 décembre. Il est né le même jour que Nostradamus. Bon. Ce n'est pas de ma faute si tu ignores tes pouvoirs. Dans notre famille, la divination est très forte. Il y a aussi notre oncle Augustin, qui est un devin reconnu. Donc, tu as juste à faire tes prédictions, toi aussi. Mettez-vous assez fort pour appliquer à vous-même cette extraordinaire faculté d'analyse. Pourquoi ne le faites-vous pas? Examinez votre conscience et écrivez ce que vous voyez. Mais peut-être avez-vous peur. Voilà, c'est réglé pour ça. Bientôt, je vais refaire un épisode prédiction et revenir sur les prédictions que j'avais faites en 2011, mais disons que ça part bien. En passant, je pense que j'ai aussi prédit que la CAQ serait majoritaire aux élections d'octobre, donc pour ceux qui votent pas pour la CAQ, je pense que vous pouvez vous sauver du temps et laisser faire d'aller voter, c'est déjà écrit dans le ciel qui va gagner. Bon, sinon, juste avant de démarrer, comme la mort de la reine, ça arrive pas souvent, je pense qu'on peut faire un petit spécial et plutôt que de faire comme tout le monde et de faire une minute de silence, on peut écouter un petit bout d'une chanson qu'elle aimait bien. Donc, on écoute ça en sa mémoire. Sur la route de Longueuil à Chambly, j'ai rencontré trois beaux gars du pays. J'ai fait risette aux jeunes, c'était le plus joli. Ils me clignaient de l'œil en me disant ceci. Ah, les fraises, les framboises, du bon vin j'en ai bu. Croyez-moi, belle fille plageoire, jamais je me suis tant plu. Ah, les fraises, les framboises, du bon vin j'en ai bu. Croyez-moi, belle fille plageoire, jamais je me suis tant plu. Et oui, c'était bien sûr la famille Soucy que vous reconnaissez qui chantait Les fraises et les framboises, une des chansons favorites de la reine. D'ailleurs, saviez-vous que quand elle était venue au Québec le 23 juin 59 pour l'inauguration de la voie maritime du Saint-Laurent, c'était en plein le temps des framboises. Et il paraît qu'elle s'était faite préparer une belle grosse tarte par le cuisinier du château Frontenac où elle avait couché. Et on avait su, c'était dans le journal d'actualité Safarir de l'époque, on avait su qu'elle avait tout mangé la tarte à elle seule le soir dans sa chambre en écoutant les premiers épisodes de La Quatrième Dimension sur CBS. Et le lendemain, le journal agricole avait titré en gros que la reine avait dû remettre toutes les activités prévues en avant-midi à cause d'un mal de tête carabiné. Mais bon, un peu plus tard, les gens du château Frontenac avaient vendu la mèche après son départ. On avait appris qu'elle avait pogné un gros mal de ventre, pour ne pas dire une diarrhée, et avait passé la matinée à chier dans sa chambre. Il avait même dû la restocker en papier de toilette vers 10h30, tellement elle évacuait de la framboise. Bref, passons, c'est des vieilles nouvelles. Et nous, dans le Lobster 123.0, on est en avance sur l'actualité. Toujours en avance sur mon temps, je viens de découvrir le groupe Stupéflip. En fait, c'est mon frère qui m'en a parlé dernièrement. Moi, je ne connaissais pas. Et là, je suis complètement accro. J'adore leurs chansons. Eh bien, Stupéflip, c'est quoi? Eh bien, c'est un groupe de musique français. Je rentre pas dans les détails, mais juste préciser qu'ils font dans différents genres comme le hip-hop, le punk, la musique électronique et la pop. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a un wiki sur eux. Mais comme ils jouent plein de styles, ça donne des albums qui ont des chansons avec plein de styles. Et oui, 1 plus 1, ça fait quoi? C'est logique. Mais oui, en ce moment, je n'arrête pas de réécouter leur album de 2011 de Hypnotic Invasion. Et là, oui, vous vous doutez bien qu'on va en écouter, c'est pour ça que j'en parle. Je parle de Stupéflip, je fais jouer du Stupéflip. 1 plus 1, ça fait quoi? Et oui, donc on commence comme ça sur Lobster 123.0 avec un peu de les Stupéflips. Et en même temps, pour les plus fins finaux des Lobsters, vous aurez remarqué qu'avec ma phrase un peu de les Stupéflips, je viens de faire un callback sur ce que j'avais dit avant. Le 1 plus 1, ça fait quoi? J'avais pas répondu. Laissez la réponse en suspens. Et là, paf, je vous dis un peu deux. Et oui, je réponds à ma question. Laissez en suspens. La réponse, c'est deux en passant. Des fois qu'on a des analphabètes. Attends. Analphabète, c'est pour ceux qui savent pas lire. Analphabète, c'est-tu pour les chiffres? C'est anal quoi? Bon, je vérifie. OK. Je trouve pas. J'ai demandé à Alexa, mais j'ai du mal formuler ma question. Elle me parle de sodomite et je pense pas que c'est ce que je cherchais. Bref, on écoute la chanson de Stupéflip, Synode Pibouin. Le Synode Pibouin était un conclave para-religieux ayant lieu toutes les 5 années. La peur qu'il inspira fut proportionnelle au bienfait qu'il engendra. La religion du stup, ils ont pas évolué du tout. C'est encore la même chose. Moi j'en ai marre. Joël, approche-toi. Oh. Viens par ici. Oui. Mais croyais-tu sincèrement que la religion du stup pouvait s'éteindre? Mais non, maître, jamais je n'ai eu de telles pensées. Ils ont choisi ordinateurs pour manipuler nos gens. Ils sont décomplexés, calculateurs et diligents. Leur arrogance fuit tel un astre malsain. Ils tracent leur chemin sans se soucier du bien commun. Les cosmocréas sont tous en passe de réussir. Nous les châtirons, mais il est trop tôt pour se réjouir. Unissons nos forces dans un ultime effort. Baillonnons l'hyène qui prône la loi du plus fort. C'est ma people. Réunion des fidèles. C'est ma people. Pour créer l'étincelle. C'est ma people. Saluons nos confrères. C'est ma people. Commençons la prière. C'est ma people. Réunion des fidèles. C'est ma people. Pour créer l'étincelle. C'est ma people. Saluons nos confrères. C'est ma people. Commençons la prière. La rancœur se propage, nous l'avons lu dans les nuages. Leur règne sans partage, nous en connaissons les rouages. Ils se sont servis des incultes. Les humains les ont cru, leur victoire sonne comme une insulte. Nous avons choisi la transe et nous connaissons nos droits. Vanité et possession, nous n'y croyons pas. Le coup initial choisit la prose et l'hypnose. Bannir les chiens, telle est notre cause. C'est ma people. Réunion des fidèles. C'est ma people. Pour créer l'étincelle. C'est ma people. Saluons nos confrères. C'est ma people. Commençons la prière. C'est ma people. Réunion des fidèles. C'est ma people. Pour créer l'étincelle. C'est ma people. Saluons nos confrères. C'est ma people. Commençons la prière. La vasta Stelia n'en a pas fini de souffrir. Nos divisions tuent, n'ayons pas à en rougir. Nous sommes différents, nos idées sont aux antipodes. Oui, nous les punirons, ils ne sont que gastéropodes. Ils partent en randonnée sans attendre les plus faibles. Ne respectent rien, ni le blé, ni le seigle. Tellement facile de faire appel aux bas instincts. Nous les traduirons au sein du synode pivoin. Approche-toi. Pour créer l'étincelle. C'est ma people. Saluons nos confrères. C'est ma people. Commençons la prière. C'est ma people. Réunion des fidèles. C'est ma people. Veux-tu sincèrement que la religion du stup pouvait s'éteindre? C'est ma people. Non, mais... Ils disent qu'ils redistribueront, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Mais tu n'auras accès ni aux soins ni au savoir. Ils te reprocheront tes faiblesses, l'oisivetés. Ils te feront payer s'ils te surprennent à méditer. Nous les haïssons, mais nous resterons de marbre. Nous les annihilerons par une seconde danse macabre. Nous serons tous prêts quand résonneront les cymbales. Le synode pivoin scellera leur pierre tombale. Réunion des fidèles. Pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères. Commençons la prière. Réunion des fidèles. Pour créer l'étincelle. Commençons la prière. Première chose sur Stupéflip. Bon. Première chose sur Stupéflip. Moi, ce que j'ai remarqué avec ce groupe, c'est que j'aime pas tout leur album. Ils me rejoignent pas tous, ou même qu'il y en a que certains que je trouve juste pas bons. J'ai vu qu'ils viennent de sortir un album en 2022, puis pour être franc, c'est pas vraiment à mon goût. Moi, ce que j'aime, c'est l'album de 2011, de Hypnotic Invasion. C'est celui que j'adore le plus en ce moment. Mais avant d'en réécouter, on va parler un petit peu de notre sujet principal. Et oui, dans ce Lobster, on va parler des rêves. Je sais, il y a plein de livres là-dessus. Que signifie telle chose dans un rêve? C'est un peu boring, mais nous, dans le Lobster, on va se spécialiser. On va pas s'étendre sur n'importe quoi, on va se spécialiser pour rendre ça intéressant. Et ici, je dois donner le crédit à mon frère qui m'a envoyé un article là-dessus. C'est grâce à lui qu'on va se spécialiser sur les rêves de nains. Oh oui! Que signifie de rêver d'un nain? C'est bon ou pas? On va y répondre. Ça veut dire quoi quand il y a... Un lutin? Ça veut dire quoi quand il y a des lutins ou des nains dans vos rêves? Eh bien, pour avoir étudié le sujet dans les dernières heures, je dois vous dire qu'il y a vraiment plein de choses le fun. Je trouve ça amusant. Car on peut rêver de nains d'aspect et de quantité différentes. On peut rêver de nains dans des endroits différents. De nains faisant différentes choses, qui pleurent, qui dansent par exemple. Rêver de nains dans différentes situations ou dans le plus extrême, rêver que vous êtes vous-même un nain ou l'ami d'un nain. Bref, aujourd'hui dans Lobster, on va tout couvrir ces situations pour que si ça vous arrive de rêver de nain, vous puissiez savoir ce que ça veut dire. Donc, si on commence ça lentement, Avez-vous remarqué que rêver d'un nain suscite généralement beaucoup de curiosité? Eh bien, vous avez raison et je vous rassure tout de suite, selon mes lectures, il n'y a pas de danger. Rêver d'un nain, c'est généralement un présage positif. Et vous n'avez donc aucune raison de l'associer à quelque chose de trop mauvais. On dit même dans le milieu de ceux qui rêvent aux nains à répétition que le rêve nain est un rêve très intéressant, car s'il signale parfois des problèmes, et si on prend le temps de remarquer certains détails du rêve, ça nous apporte les clés pour résoudre ces problèmes. C'est-tu pas beau? Donc, partons du début. Rêver d'un nain d'aspect et de quantité différentes. C'est comme le chapitre 1 sur les rêves. Et ça dit, si vous rêvez d'un nain mignon. Si le nain est apparu dans vos rêves en beauté, réjouissez-vous. Cela signifie que vous êtes en pleine santé, ainsi que d'une excellente compréhension et vision du monde. Cette fonctionnalité vous permet également d'avoir beaucoup de succès dans vos projets. Donc, rêver d'un nain mignon signifie aussi que vous aurez une longue vie où vous pourrez développer vos compétences de la meilleure façon possible. Mais là, oui, je me suis questionné, car on parle de longue vie dans ce petit bout-là, mais longue vie en termes de quoi? En termes de vie de nain, en termes de vie d'humain? Moi, sans vouloir, mon cerveau a cherché à comprendre, probablement dû à mon background de joueur de Donjons & Dragons, car les deux races ont des longévités vraiment différentes. Donc tout de suite, je me suis mis à chercher et j'ai été surpris. Que veut dire longue vie en termes de rêve nain? Au départ, je suis parti avec le préjugé qu'un nain vivait pas trop longtemps à cause de ses difformités, et je dis pas ça méchamment ici, je le précise, mais on se le cachera pas, un nain, c'est beau, mais il faut aimer la difformité pour trouver ça beau. Donc, cette précision faite, pour être sûr que vous comprenez que je veux pas leur manquer de respect, on peut continuer. Donc, oui, avec certains préjugés, je pensais que longue vie en termes nains pourrait vouloir dire de vivre jusqu'à une trentaine d'années. Eh bien, j'avais tout faux, car selon une étude qui a été publiée en 2014 dans la revue Plus One et relayée par le Journal de Montréal, il y a des chercheurs de l'Université de Hawaï qui ont découvert que les hommes de petite taille vivraient plus longtemps que leurs semblables plus grands. On dit dans l'article que l'étude a été menée dans le cadre du programme QA CUNY Honolulu Earth à Hawaï et ce durant près de 50 ans. La recherche s'est fondée sur un programme de santé cardiovasculaire à Honolulu qui a commencé en 1965 avec un échantillon de 9006 Américains qui, eux, avaient des origines japonaises et qui étaient nés entre 1900 et 1919. Et là-dessus, il y a environ 1200 participants qui ont vécu plus de 90 ans ou 100 ans et quelques 250 participants sont toujours en vie. Et ce, c'était pas des nains précisément dans l'étude, mais ce que l'étude veut démontrer, c'est que pour la première fois, la taille est associée à ce gène. Donc, j'imagine qu'ils ont étudié la grandeur versus l'âge des participants. Bon, j'étais un peu perdu. Mais je peux lire, nous avions déjà constaté ce fait chez les animaux, mais pas chez les humains, ont-ils souligné dans l'étude. Donc, que doit-on conclure de tout ça? Outre que les nains ont des caractéristiques apparentées aux animaux, selon l'étude, bien sûr. Donc, on devrait conclure que ce que l'on retrouve dans la littérature du jeu de Donjons & Dragons est véridique. Et oui, dans le manuel du joueur de 5e édition, on peut lire « Les nains vieillissent au même rythme que les humains, mais sont considérés comme jeunes jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 50 ans. » En moyenne, ils vivent environ 350 ans. Mais certains nains célèbres auraient vécu plus de 400 ans. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai prouvé en vous lisant cette étude et la portion de mon livre de Donjons & Dragons, mais c'est sûrement significatif, comme le seront vos rêves après avoir tout compris ce que je vous explique et ce que je ne comprends pas moi-même. Mais pour l'instant, de retour à Stupéflip, on écoute Lettre à Mylène, qui est une magnifique chanson de Stupéflip qui s'adresse à Mylène Farmer. Dans cette chanson, le principal intéressé, le chanteur, qui a toujours été fasciné par cette chanteuse, mais aussi par ses musiques, lui fait passer un message. Il veut collaborer avec elle le temps d'une chanson, par exemple. On l'écoute et au retour, on va clarifier ce que veut dire rêver à un nain laid

Si de rêver d'un mort ne signifie rien de mauvais, alors imaginez-moi qui en vrai en a nourri un. Et oui, souvenez-vous que le mois passé, je suis allé dans un encamp avec mon frère et qu'il nous est arrivé de quoi d'extraordinaire. Il y avait une femme nain. Et oui. Sur le site, ben oui, c'est des personnes comme les autres, pour ça te fait rire. Yeah, baby! Je me demande, vu que j'ai nourri une naine dernièrement, est-ce que je suis comme blessé? Est-ce que je suis béni des nains? Est-ce que pendant un certain temps, je suis comme protégé, un peu comme un paladin là, qui ne peut pas attraper une maladie? Mais évidemment, c'est sûr que moi, ça serait moins fort qu'un paladin. Là. Moi, j'ai profité de l'aura de la personne de petite taille pendant que quelques secondes seulement. Car si on se souvient bien, là, elle s'était approchée de moi quand je lui ai tendu mon bol de chip maison. Elle a pris un chip et m'a souri. Et c'est à ce moment là, que j'aurais reçu sa bénédiction. Un peu magique, là. Ouais, c'est ça, un peu magique. Un peu comme un paladin là, qui impose les mains sur un malade pour le guérir. Et sans blague, j'ai remarqué que depuis ce temps-là, mes cheveux ont recommencé à pousser sur le dessus de ma tête. Je sais pas si c'est permanent et si c'est dû à ça. C'est probablement juste temporaire, mais je viens peut-être de découvrir ce que les scientifiques cherchent encore. Là, comment faire repousser les cheveux des personnes qui font de la calvitie. En fait, c'est peut-être juste de passer 5 minutes par semaine avec une personne de petite taille. Bref, c'est pas ça le sujet. Je vais garder ma découverte pour moi pour l'instant. Donc, revenons donc à notre grand dossier sur les rêves liés aux nains. Rêver d'un nain, laid, est-ce que ça veut dire quelque chose? Bon, avant de vous le dire, moi je veux vous dire que je les trouve pas laids, les nains. Même le plus laid d'entre eux. J'ai comme une forme de respect pour eux qui me vient de je sais pas où, mais moi je les trouve beaux. Moi, je peux donc pas rêver à un nain laid, mais vous, impie, voyons ce que ça pourrait vouloir dire pour vous. Si ça vous arrive, voici ce que ça veut dire. Si la caractéristique frappante du nain qui est apparue dans votre rêve est sa laideur, cela signifie que certaines difficultés doivent vous arriver. Mais restez calme, ce n'est qu'un signe pour que vous vous prépariez et, au bon moment, soyez prêt à affronter les turbulences qui se présenteront à vous. Voilà, rien de plus grave que ça. Tu rêves aux difformes pas beaux et tu vas juste avoir quelques turbulences dans ta vie. C'est quand même bon pour vous. Mais c'est mieux d'être immunisé si vous pouvez, comme moi. Donc, si vous en voyez un, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche pour avoir sa bénédiction. Il y a aussi dans le livre, dans le Necronomicon des rêves nains, il précise que rêver d'un nain laid indique également que des personnes proches de vous agissent dans votre dos. De cette façon, faites attention et essayez de détecter si quelqu'un autour de vous a de mauvaises intentions. Bon, ça c'est moins le fun, donc forcez-vous, aimez le nain, trouvez le beau. Regardez peut-être chaque jour des photos de nains puis dites-vous « Ah, qui est beau! » Et vous allez probablement là, être protégé dans vos rêves contre cette forme de rêve de nain. Là. C'est comme un genre de cercle de protection. Là. C'est bien, ça vaut la peine. C'est quand même fort, les cercles de protection. Maintenant, une autre signification. Ici, c'est hot, c'est très niché. Si vous rêvez d'une naine noire, ça veut dire quoi? Le rêve d'une naine noire ou d'un nain noir montre une incapacité à faire face à certaines situations qui affectent votre vie. Par conséquent, lorsque vous rêvez d'un ou d'une naine noire, réfléchissez à votre vie en général, à la fois personnellement et professionnellement. Essayez de détecter les situations qui vous retiennent et initiez un changement dans cette perspective. Bon, précision, c'est encore plus précis, encore plus niché. Si la naine ou le nain noir porte seulement une tenue noire, cela représente les peurs que vous portez à l'intérieur de vous. L'avertissement de ce rêve est que vous devez être prudent à ce sujet. Ne soyez pas anxieux, cherchez simplement des solutions calmement et laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Voilà, c'est quand même bon à savoir. Et pour terminer ce bloc, que veut dire d'avoir rêvé de nombreux nains? Par exemple, si tu rêves à Tatou de l'île fantastique qui fait du sidou avec Minimi et Passe-partout de Fort Boyard, qu'est-ce que ça pourrait dire de rêver à ces trois nains en même temps sur leur sidou? Ce qui, dans le fond, peut être vrai et plausible si on exclut que, bon, par exemple, Tatou est mort, puis je sais pas, les deux autres sont... Donc, bon, on continue. mais je m'écarte comme toujours. Back to the nanism dream world. Bon, rêver de nombreux nains est lié à des opportunités professionnelles, ah! Alors restez à l'écoute pour qu'au bon moment vous soyez prêts à en profiter. Restez à l'écoute car de nombreuses personnes finissent par laisser passer de bonnes opportunités entre leurs mains. Donc c'est ça, si vous rêvez à des multiples nains dans vos rêves, c'est des opportunités qui risquent de se présenter à vous. Voilà, bon, on retourne en musique, cette fois avec un groupe que j'aime bien, qui s'appelle Stupéflip. Ah oui, c'est vrai, je vous l'ai déjà présenté. Cette fois, la chanson La Menuiserie. Pour votre info, dans le refrain de cette chanson, ils disent « prendre des petits bouts de trucs et puis me les assembler ensemble ». Moi, j'ai été obligé d'aller lire les paroles pour comprendre la chanson. Donc, on écoute Stupéflip, La Menuiserie. OK, maintenant qu'on a couvert les nains laids, les nains noirs et tout le tralanin, on va maintenant se concentrer sur les endroits où le nain apparaît dans vos rêves. Car c'est essentiel, ben oui, pour comprendre vos rêves, de bien retenir l'endroit où vous voyez le nain dans vos songes. Donc, si vous rêvez d'un nain dans le jardin, rêver d'un nain dans le jardin, c'est une scène qui rappelle de nombreux souvenirs à certaines personnes. Après tout, les statues de nains sont courantes dans les jardins de nombreuses maisons. Sachez donc que si vous rêvez d'un nain d'ornement ou d'un vrai nain dans un jardin, ce rêve représente un temps de transformation. Ici, on ne parle pas de transformation physique, car je vous le rappelle, le nanisme ne touche qu'une personne sur 100 000, et passé la naissance, il n'y a plus de transformation. Il ne faut pas se mélanger non plus, même si dans Donjons et Dragons, votre personnage peut être multiclasse comme magicien et voleur en même temps et monter de niveau dans chacune des classes, et bien malgré ça, tu ne peux pas décider de changer de humain à nain. Il n'y a pas de changement de race, juste des changements ou du multiclasse. Bon. Donc, tout ça pour vous dire de ne pas vous en faire si vous rêvez d'un nain de jardin. Cela ne veut dans aucun cas dire que vous avez des chances de vous transformer en nain. Bon, je tenais à le préciser. Maintenant, si on poursuit, si vous rêvez d'un nain dans la forêt, ben c'est un avertissement. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si mal. Rêver d'un nain dans la forêt indique que vous vous laissez emporter par le fantasme de manière exagérée. Encore une fois, c'est tout gentil. Rêver de nain, c'est comme monter au paradis. C'est fantasmagorique. On en rêve et il nous arrive rien de bien méchant. En fait, rêver est bon. Rêver est bon pour l'âme, mais n'oubliez pas que tout ce qui est exagéré peut devenir mauvais. Maintenant, on passe à une autre section. Rêver d'un nain faisant des choses différentes. On est dans une autre section complète de mon livre. Le nain peut apparaître dans vos rêves en pleurant, souriant, dansant, courant et faisant tant d'autres choses différentes. Et c'est peut-être justement ce détail qui vous a intrigué et rendu si curieux. Si oui, je vous en donne la signification. Eh bien, ce type de rêve apporte des significations qui sont liées à la résolution de problèmes, aux faux amis et aux personnes de votre entourage qui ont besoin d'aide, et c'est précisément l'interprétation de ces attitudes que vous découvrirez ensuite. Donc, on est rendu là. Qu'est-ce que faisait votre nain dans votre rêve? Bon, si le nain il rit, ne vous laissez pas berner par le rire facile. Rêver d'un nain qui rit est un avertissement. Soyez conscient des personnes qui vous entourent, car ce rêve signifie que quelqu'un prétend être votre ami, mais au fond, ce n'est pas le cas. Si le nain dans votre rêve, il pleure, ben, rêver d'un nain qui pleure est un rêve très courant et sa signification est simple. Ce rêve montre un signe qu'un de vos proches a besoin d'aide. Ah, c'est bon ça. Faut être attentif à ça. Maintenant, si le nain combat, la signification de rêver d'un nain qui combat est liée à un sentiment négatif que vous avez envers un proche. C'est parce que vous voulez que cette personne change sa façon d'être, alors vous finissez par vous battre ou vous disputer pour faire passer votre message. Maintenant, si le nain il court, eh bien, la signification est que dernièrement, vous avez fui les opportunités. Rêver d'un nain en train de courir apporte l'avertissement que si vous continuez ainsi, vous n'atteindrez pas les objectifs que vous souhaitez, car il est rare qu'un nain qui court arrive bien loin. Maintenant, si le nain il danse, ah, ça c'est cute. On a vu les hobbits danser un peu lors de la fête de Bilbo dans Le Seigneur des Anneaux, et c'était quand même un beau moment. Et qu'est-ce que ça signifie, ces nains dansant? Bien que la danse soit quelque chose de magique, rêver d'un nain qui danse est un présage négatif. Oh oh! Ce rêve représente que vous êtes sur le point de faire une erreur de jugement. Donc, si vous avez des doutes sur quelqu'un, attendez encore un peu avant d'agir. Et finalement, si vous rêvez d'un nain amoureux, cela signifie que vous vous observez et vous analysez de votre propre point de vue. Par conséquent, vous devez être conscient de la façon dont vous voyez et comment cela peut affecter d'autres sphères de votre vie. Bon, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose et personnellement, j'aurais peur. Si jamais je rêve que je suis amoureux d'un nain ou qu'il y a de l'amour d'impliquer dans mes rêves de nain, je vais aller chez le psy. Entre les nains et moi, c'est pas de l'amour, c'est juste du respect. Bon, maintenant, petite pause musicale, et oui, on y retourne. Je vous présente un groupe que j'aime bien, qui ont sorti en 2011 l'album de Hypnotic Invasion. C'est le groupe Stupéflip. Ah oui, encore eux, avec la chanson « J'aime les moches ». J'aime les pauvres meufs qui rouillent, maquillage qui part en couille, tronche en ratatouille, bouille qui fout la trouille, cul de citrouille, sale con un truc qui qui foirent, qui font chialer les miroirs, tête d'arrosoir, qui font peur dans le noir le soir, seul au bar. J'aime celles qui sont toutes cassées, les trop grosses et les ratées, les ravagées, toutes ridées, café clope au petit déjeuner. J'aime celles qui sont plutôt belles, qui se font pousser les aisselles, 37 ans toujours pucelles, mais des yeux de faux qui t'en sorcellent. J'aime les filles qui se laissent aller, feu au cul et mal fringuées, odeur de sueur et gros néné, disposées à tout essayer. J'aime celles qui se prennent pas la tête, peau d'orange et tartiflette, cuisseau de porné en trompette et prête à faire des galipettes. J'aime les vieilles sous les yeux qu'on dépoche. Les grosses avec de la brioche. Les tours du poil sur les guiboles. Les monstres qui ont pas besoin d'antivol. Les vieilles sous les yeux qu'on dépoche. Les grosses avec de la brioche. Les tours du poil sur les guiboles. Les monstres qui ont pas besoin d'antivol. Je les aime pas trop mal habiles avec sous les bras des auréoles. Je les veux grosses à la peau molle et qui s'en branlent du danacol. Donc qui passe tu m'intéresses, laisse ton phone et ton adresse. J'ai acheté une jolie laisse, avec toi je ferai des prouesses. Ouais bien sûr c'est plus facile mais elles sont toutes vachement plus cool. Le petit boudin au nez qui coule, au gros tas de boue qui font la foule. Je les trouve patientes, touchantes, patientes et attachantes. Pas de pression, elles sont mignonnes et bien plus bonnes que toutes ces connes. Fille moche, t'as la classe et j'adore ton postérieur. N'écoute pas toutes ces connasses qui prennent ce petit air supérieur. Quand t'as du sexe pile et t'es bonne comme un flan coco, je te relaisse mon numéro, appelle-moi après ton boulot. J'aime les moches, les vieilles sous les yeux qu'on dépoche. Les grosses avec de la brioche. Les tours du poil sur les guiboles. Les monstres qui ont pas besoin d'antivol. Les vieilles sous les yeux qu'on dépoche. Les grosses avec de la brioche. Les tours du poil sur les guiboles. Les monstres qui ont pas besoin d'antivol. Ouais mamselle moche, viens que je te claque une galoche. T'as la top classe pupus avec ta dégaine d'ananas. Et même si tu suces sous le pif comme la petite Karen chérie, bah y'a plus de place dans le soutif quand tu ondules sous l'exomile. Moi je te trouve formidable et trop méga extraordinaire. Et tes petites œillades bovines m'ont transporté vers la lumière. Que tu sois petit bonnet au Cuba ou que tu sois maigre au grand bras, que tu sois ronde avec des couettes, ça me dérange absolument pas. Toi t'as look cocotte et j'aime tes petits boutons dans le dos. J'adore ta fine moustache et quand t'imites le cachalot. T'as du style, t'as du chien, toujours lis pas de copains. T'es pas chiante et je t'aime bien, ça te brancherait qu'on se voit demain. J'aime les moches, les vieilles sous les yeux qu'on dépoche. Les grosses avec de la brioche. Les tours du poil sur les guiboles. Les monstres qui ont pas besoin d'antivol. Les vieilles sous les yeux qu'on dépoche. Les grosses avec de la brioche. Les tours du poil sur les guiboles. Les monstres qui ont pas besoin d'antivol. De retour! Et vous savez quoi? Durant la pause, je me suis assoupi, et j'ai rêvé. J'ai rêvé d'une naine acrobate jouant de la flûte qui coursait à dos de tortue avec d'autres nains pour se rendre chez Dairy Queen. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est compliqué, car on n'a pas encore tous les clés pour analyser ce rêve. Et non! Donc, on va poursuivre dans ce Lobster nos lectures pour nous permettre de bien interpréter ce rêve. Donc, maintenant, on est rendu à aborder rêver d'un nain dans différentes situations. Oh oui, un nain peut apparaître dans vos rêves dans d'innombrables circonstances, comme dans mon rêve. À l'occasion, donc, vous pouvez vous retrouver à le regarder. Vous pouvez même avoir une conversation, tout comme vous pouvez avoir peur et vous enfuir. Mais ça, la peur du nain, vous ne devriez pas rêver à ça. Ça fait pas peur un nain. En tout cas, je parle pour moi. Moi, j'ai juste le goût de jouer avec le nain, de le voir courir en tirant un cerf-volant et de le voir parfois s'envoler dans le ciel s'il vente trop, ou de lui tirer un bâton pour qu'il le rapporte. Bref, une chose qui est importante dans le domaine des rêves, c'est évidemment d'essayer de vous souvenir de tous les détails entourant votre rêve. C'est souvent ça qui est le plus compliqué. Des fois, c'est furtif. On se réveille le sourire aux lèvres, ce qui est une fois sur deux indique un rêve lié au nanis. Et pouf, là, l'envie de pipi matinale nous pogne et le temps d'une pisse, on oublie ces belles images de nains qu'on avait en tête. Donc, je vous donne mon petit truc personnel, quitte à me pisser dessus le matin et à mouiller le drap contour, moi je reste toujours immobile les 5 premières minutes où je me réveille dans mon lit. Et tout de suite, je me demande si j'ai rêvé un nain. Et si, dans le cas où j'ai fêté fort la veille, je vérifie durant ces 5 minutes s'il n'y a pas une naine de coucher à côté de moi. Des fois que. Mais bon, comme je bois rarement de l'alcool, il y a zéro chance que ça arrive. Mais bon, pour ceux qui prennent beaucoup de l'alcool, ben, prenez ce 5 minutes pour tout vérifier, ces choses-là. Et essayez d'identifier s'il y avait du nain dans vos rêves. Si oui, marquez le tout en mémoire pour une analyse plus tard. Maintenant, voici les clés que vous avez besoin. C'est ça qu'on a besoin pour comprendre nos rêves. Si vous avez rêvé de voir un nain, eh bien, rêver que vous voyez un nain indique que vous rencontrez un problème sur votre chemin. Cependant, restez calme, car tout indique que ce sera quelque chose de simple. En restant calme, vous éviterez que cet obstacle ne devienne quelque chose de plus grand qu'il ne le serait en réalité. Maintenant, si vous avez rêvé que vous parlez à un nain, c'est une bonne nouvelle dans la région. Rêver que vous parlez à un nain révèle que de nouvelles amitiés vont bientôt apparaître dans votre vie. Oh, je me demande si la veille d'aller à l'encan avec mon frère où j'ai pu nourrir une naine, j'avais rêvé que je parlais à un nain dans mes rêves. Car ça m'aurait probablement averti que ça risquait d'arriver et que j'allais faire cette belle rencontre amicale. Mais bon, j'ai oublié. Maintenant, si vous avez rêvé de fuir un nain, si vous rêvez de fuir un nain, vous pourriez avoir besoin d'une pause. Rêver d'un nain dans cette situation signifie que vous remplissez de problèmes contradictoires, impliquant la poursuite du succès. Détendez-vous donc un peu, le rêve vous montre que si vous continuez comme ça, seule la fatigue restera dans votre vie, ne vous menant nulle part. Si vous avez... celui-là, c'est pas le fun. Si vous avez rêvé de tuer un nain, bon, qui rêverait à ça? On tue pas les nains, c'est nos amis. Non, ici, je lis même pas le texte. Si vous rêvez que vous tuez un nain, vous êtes juste un maudit malade. Bon, j'ai été lire quand même qu'est-ce que ça disait. J'étais trop curieux. Rêver de tuer un nain est probablement l'un des rêves les plus effrayants de cet article. Le sentiment de se voir tuer quelqu'un, quel qu'il soit, peut être horrible. Cependant, restez calme. Bien que le rêve soit macabre, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ce rêve signifie un signe de victoire dans différents aspects de votre vie. Cependant, soyez patient, car cela prendra du temps et exigera beaucoup d'efforts et de travail de votre part. Alors, gardez espoir et continuez à vous battre pour vos objectifs, car vous les atteindrez. Tabarouette, tout est positif dans les rêves de nain. On le tue, on le mange, on lui court après, on le tartine de beurre de peanut, on lui met une couche, peu importe de quoi on rêve, c'est toujours bon signe. Et je sais pas pourquoi, ça m'a donné le goût d'aller chercher le tome 1 de Lance-Dragon, Dragon d'un crépuscule d'automne. Et je vais essayer de trouver le passage où on rencontre le nain Flint Forgefeu pour la première fois. Dans ma Biblie, j'ai les 54 premiers livres de Lance-Dragon. Je sais pas comment il y a de cycle ou de trilogie, mais bref, quand ma Biblie municipale s'est débarrassée de la série à leur vente annuelle, j'ai ramassé le tout pour 25 sous du livre. Donc, laissez-moi regarder, je suis allé chercher le livre durant ma pause magique. On va trouver le moment où Flint arrive. Bon, ça passe tout de suite au début. Page 22. Quand les amis se retrouvent après quelques années à l'auberge du dernier refuge. Donc, je lis ça. Le chapitre s'intitule « Rencontre de vieux amis brusquement interrompus ». On en lit juste un petit peu, là, un petit 2-3 pages. Flint Forgefeu... Non, on recommence. Flint Forgefeu s'assit sur une pierre moussue. Sa vieille carcasse de nain l'avait portée trop longtemps. Elle n'en pouvait plus. « Je n'aurais jamais dû en partir », grommela-t-il tout haut en regardant la vallée. De longues années solitaires l'avaient habitué à parler tout seul. « Que je sois damné si j'en pars une fois encore !» Bon, je ne sais pas si un nain ça parle comme ça, mais moi je le joue comme ça. La chaleur de la pierre, exposée à une journée de soleil, réchauffa ses vieux os transis par l'air automnal. Une pensée lui réchauffait également le cœur. Il était chez lui. D'un œil attendri, il contempla le paysage qui lui était si familier. Sur le fond des montagnes tapissées aux couleurs de l'automne, se détachaient le pourpre et l'or des grands arbres dressés devant les sommets des Carolis. Le ciel bleu se reflétait dans l'eau calme du lac Cristalmire. De fines colonnes de fumée s'élevaient au-dessus de la cime des arbres, signalant solace. Une brume légère enveloppait la vallée, emprisonnant les senteurs délicieuses des feux de cheminée. Flint sortit de son bagage un morceau de bois et un poignard. Depuis toujours, ses compatriotes éprouvaient le besoin de donner une forme de leur choix aux choses qui n'en avaient pas. Lui-même avait été un forgeron de renom avant de se retirer quelques années plus tôt. Il planta la lampe dans le bois et se mit à rêver. Oh, c'est beau, il rêve. On parle de rêve. C'est magique. Là, il dit, « Mon âtre est éteint depuis longtemps, » dit-il doucement. « Ma maison est vide. Le toit laisse probablement passer la pluie et le mobilier doit être ruiné. Comme c'est bête d'être revenu. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. À 148 ans, j'aurais dû m'en douter. » « Tu n'apprendras jamais rien, nain !» répondit une voix lointaine. « Dusses-tu vivre 248 ans ?» Avec une tranquille assurance, la main du nain passa du poignard au manche de sa hache. Pour la première fois depuis longtemps, il entendait une voix qui lui était familière, mais il n'arrivait pas à lui donner un visage. Cligna des yeux. Face au soleil couchant, il distingua la silhouette d'un homme qui marchait sur le sentier. Prudent, il se mit à l'ombre d'un grand pin pour mieux voir. L'homme se mouvait avec la gracieuse souplesse des elfes, mais il appartenait au monde des humains. Sa capuche verte abritait une barbe au burne et un visage tanné. Il portait un arc en bandoulière et une épée au flanc. Ses vêtements de cuir souple étaient frappés des motifs qu'affectionnaient les elfes. Mais ceux de Kryn n'avaient pas de barbe. « Tanis ?» interrogea Flynn. « Lui-même. » Bon, on arrête là. Bon, Tanis, je pense que c'est un demi-elfe. C'est quand même une bonne série, là, Lance Dragon. Je ne sais pas ça date de quelle année. Je vais regarder ce livre-là. Si on regarde le livre... Lance Dragon et le logo TSR sont des marques déposées. 1984, d'après ce que je vois le copyright. Le titre original était Dragon of Autumn Twilight. C'est bon. Bon! Les premiers livres de Lance Dragon, là, en passant, sont vraiment bien, mais après, quand c'est plus écrit par Margaret Wise et Tracy Hickman, c'est un peu moins bon, mais ça reste une bonne série, surtout le bout où on comprend comment Wrestling, le magicien mauvais, comment il a eu ses pouvoirs dans la tour, là, puis avec son frère Caramon, je pense. C'est quand même bon, ce bout-là. Maintenant, retour à nos rêves de nains dans différentes situations. Si vous rêvez que vous avez peur d'un nain, selon la façon dont le nain apparaît dans vos rêves, cela peut vous faire peur. S'il est nu, vous avez raison d'avoir peur. Ça, c'est sûr. Là. Un nain nu, c'est plus effrayant qu'un nain mort, je crois. Bon, qu'est-ce que le livre en dit? Malgré le mauvais sentiment de voir un nain nu, rêver que vous avez peur d'un nain est lié à vos capacités créatives et montre qu'elles sont cachées. Cela signifie que vous vous censurez et que vous avez du mal à vous exprimer, alors il est temps de repenser. Efforcez-vous de tout sortir et de montrer vos véritables compétences. Un conseil dans le livre qui dit, c'est d'essayer de développer des activités qui aiguisent votre créativité. Donc, si tu rêves que tu as peur d'un nain nu, il faudrait essayer de jouer de la musique, par exemple, de la guitare, disons. Mais c'est drôle, ça. Ça me fait souvenir ce qui est arrivé à mon frère. Je sais pas. Vers la fin des années 90, quand il était adolescent, il avait fait un mauvais rêve de nain qu'il m'avait raconté. Il avait rêvé qu'il était parti en bateau, un gros bateau de croisière. Pourtant, lui, il n'avait jamais fait de croisière, puis moi non plus. Mais bon, à ce moment-là du rêve, il était dans sa cabine, couché, car c'était le soir. Il était en train de lire Picsou Magazine, et là, par le hublot, il a vu un nain passer. Un nain qui était dans ses plus simples apparats. Comprendre ici, un nain nu, comme un peu un chérubin, là, la trompe à l'air. Donc, mon frère, lui, voit le nain nu dans le hublot. Il n'en croit pas ses yeux. Il est légèrement effrayé. Il ouvre donc son frigo pour prendre un morceau de tarte à citrouille. Il se recouche. Et là, il essaie de recommencer à lire en mangeant sa tarte. Et 10 secondes après, il revoit le nain nu passer dans le hublot. Il se lève donc, met ses pantalons d'hiver et ses bottes de ski et se rend au hublot. Et il l'ouvre pour bien voir. Et là... des bonnes odeurs, des effluves de papillons qui sont dans un champ de marguerite. Et là, il voit le nain nu. Mais le nain nu le remarque et il s'arrête. Et là, le nain nu prend sa trompe dans sa main et lui pisse des notes de musique dessus. Éberlué, la bouche ouverte, mon frère lui en prend pour son rhume et il vit comme une genre de cure d'urinothérapie. le nanu, évidemment, lui pissant, une symphonie de notes dans la bouche. Et savez-vous quoi? Ben c'est ça. C'est ce rêve qui lui a donné le goût de jouer et d'apprendre la guitare. Et maintenant, il joue super bien. Donc, ce que je vous raconte sur les rêves, c'est pas des affaires en l'air, là. C'est du sérieux. Si un nain nu vous pisse dans la bouche durant vos rêves, ça pourrait vouloir dire que plus tard, vous allez être bon à la guitare. Bon, retour à nos significations. Enfin, on fait ça en vrac, là, car je vais aller à la pause musicale. Là. J'ai un bon groupe à vous présenter. Donc, si tu rêves aux funérailles d'un nain, rassurez-vous, bien qu'il s'agisse d'un rêve horrible, rêver que vous assistez à l'enterrement d'un nain signifie que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses, même si vous n'en avez pas conscience. Alors, essayez de ne pas stresser et faites votre travail du mieux que vous pouvez. Maintenant, si tu rêves d'être au mariage d'un nain, bien que la plupart des mariages soient des environnements agréables ou des bons moments sont partagés, ne vous laissez pas berner en rêvant que vous êtes au mariage d'un nain. Ce rêve représente que vous vous isolez peut-être des autres. Alors, ne le laissez pas vous éloigner de votre vie et de vos objectifs. Et finalement, si tu rêves que tu sodomises un nain, le livre dit de téléphoner au 811 pour raconter ton rêve à un infirmière. Maintenant, pause musicale, je vous dis pas le nom du groupe cette fois-ci, je vous laisse deviner. Un indice, c'est un groupe français. On joue deux chansons pour vous donner une chance de le trouver. Et au retour, on conclut ça en beauté avec des affaires un peu freak. Notre session comme fétichiste, on va parler des bébés nains et d'autres horreurs du style. À tantôt pour l'obstacle. Éclair, j'ai trop envie de la posséder. Trop agréable, c'est une super matière. Elle ira bien avec ses pompes là. Je la mettrai avec ce futal. Je l'aimerai, elle sera à moi. Avec ce soupule rouge, ça va faire mal. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein. J'irai l'essayer demain, elle me plaît bien. J'ai vu dans ce magasin cette au joli sein, ah ouais, je suis sûr qu'elle m'ira bien. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein, j'irai l'essayer demain, elle me plaît bien. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein, ah ouais.

Rêvez que vous êtes nain montre que vous avez besoin d'analyser et de travailler sur la façon dont vous vous voyez. La petite taille d'un nain signifie que vous vous sentez plus petit que les autres. Et c'est quelque chose qui est lié à votre estime de soi. De plus, en raison de sa petite taille, une personne naine peut avoir du mal à accomplir certaines tâches, comme ramasser un verre qui se trouve sur une étagère très haute ou manger un long verre de terre. Cependant, malgré la difficulté, cela ne l'empêche pas de mener à bien cette tâche. Vous vous sentez peut-être incapable, vous, d'accomplir quelque chose en ce moment? Cependant, ce sentiment ne peut pas vous empêcher d'essayer et encore moins de réussir. De cette façon, profitez du signe du rêve pour réaliser des activités que vous avez toujours pensé ne pas pouvoir faire. Montrez-nous votre potentiel. Allez, montrez votre potentiel. Bon, suivant, on continue. Si vous rêvez que vous êtes l'ami d'un nain, sachez que la signification de ce rêve est extrêmement plaisante. Donc, pas de danger ici. Personne ne va saigner des yeux ou des oreilles. Si vous rêvez que vous êtes l'ami d'un nain, cela révèle que vos amis sont loyaux, sincères et fidèles à vous, ainsi que toujours prêts à vous soutenir quand vous en avez besoin. Par conséquent, lorsque vous rêvez que votre ami ou vos amis sont des nains, soyez heureux et profitez-en pour être toujours proche de personnes agréables qui veulent votre bien. C'est drôle parce que justement, dernièrement, j'ai rêvé à mes amis en nain. Un rêve bizarre. Moi, j'étais le roi Arthur. Pas le vrai, là, la version Kaamelott, la version comique. Et là, je vois mes trois amis autour de la table ronde. Assis en face de moi, Lancelot, avec le visage de mon ami Martin, version 3 pieds de haut. Ensuite, à ma droite, Caradoc, ça c'est mon ami Nicolas. Et juste à côté, Perceval, mon ami Étienne. Les trois, évidemment, habillés en armure nain. Et moi, je leur demandais comment ça allait dans leur quête pour trouver la glute. Ici, pour comprendre, faut avoir lu le cocon masqué. Et là, les trois me font le blablabla, qu'ils n'ont aucune idée où se trouve la glute. Et il y a Perceval qui dit à la blague, « Elle est sûrement au fond du lac. » Bref, un rêve comique. Mais comme toujours, je m'écarte du sujet, de retour sur le chemin, de retour au drama. Si vous rêvez d'un nain désagréable, ça montre vraiment que vous traversez des situations désagréables. Ce rêve représente les conflits familiaux. Par conséquent, si vous rêviez d'un nain grincheux qui vous tombe en tête, préparez-vous à affronter des situations difficiles avec votre famille. Par contre, si vous rêvez d'un nain gentil, alors là, de bons présages sont apportés en rêvant d'un nain agréable. Ce rêve signifie que vous deviendrez bientôt plus connu. Cela peut vous aider dans différents aspects de votre vie. Cependant, ça vient avec un petit conseil. Veillez à ne pas vous rendre extrêmement vaniteux à ce sujet. Gardez toujours l'humilité. Maintenant, si vous rêvez d'un couple de nains, ici je comprends pas trop dans quelle situation, c'est-tu sexuel? Ça dit, si vous rêvez d'un couple de nains, ça représente que vous avez des insécurités liées à votre vie amoureuse. Si vous vous retrouvez en couple, veillez à ne pas vous sentir dominé par votre partenaire. Cela peut entraîner une faible estime de soi et vous rendre insatisfait de cette situation. Bon, ça doit être quand même un méchant rêve bizarre, ça. Ouais, vous, du lubrifiant et le couple de nains. Mais bon, c'est pas moi qui invente ça, c'est du sérieux ce que je lis. C'est aussi spécifié que si vous êtes célibataire et que vous rêvez à des igous-igous avec un couple de nains, sachez-le que vous avez peur à l'idée de commencer une relation. Alors, avant toute chose, essayez d'être bien avec vous-même et s'il vous plaît, arrêtez de rêver des coupes de nains. Bon, maintenant, on y arrive. Le bébé nain. Si vous rêvez d'un bébé nain, cela signifie que vous n'évoluez pas en tant qu'être humain. C'est peut-être parce que vous avez peur d'être déçu à l'âge adulte. Cependant, même si vous avez quelques craintes, sachez que la maturation est nécessaire. C'est un processus qui fait partie de la vie et qui vous apportera plusieurs réalisations. Alors, ouvrez votre esprit et laissez votre évolution se faire. En conclusion, et oui, on a fini, mais il y a comme une conclusion. Rêver d'un nain est-il un appel spirituel? Lorsque les nains y apparaissent dans un rêve, ils symbolisent une quête spirituelle de la connaissance intérieure. Quelle que soit la forme ou la situation dans laquelle il est apparu dans votre rêve, réalisez qu'il est toujours lié à une découverte qui dépasse les yeux. On peut donc dire que oui, rêver d'un nain est un appel spirituel. À travers les rêves, les nains montrent des aspects cachés, que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle. De cette façon, profitez des signes présentés à travers les rêves, et même lorsque les nouvelles ne sont pas très bonnes, profitez-en pour préparer sereinement la suite. Alors, ne méprisez pas les avertissements reçus par votre rêve nain. Faites attention aux détails pour savoir quelle interprétation convient le mieux à votre cas et faites-en bon usage. Voilà, c'est une belle conclusion ça. Je pense que je rajouterai rien. Et moi, juste d'en avoir parlé comme ça aujourd'hui, je nous souhaite, savez-vous quoi, de beaux rêves de nains. Je nous en souhaite plein, du style de ce classique des histoires pour enfants au Québec, l'histoire qui explique pourquoi la Lune a plein de cratères. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, tous les cratères sur la Lune sont expliqués ici au Québec par l'histoire connue de la chasse-galerie ou du nain à moto, comme nous on aime à dire. Donc, pour nos amis français, la chasse-galerie, c'est une histoire qui raconte que par un beau soir d'été, dans le ciel, plusieurs personnes assises sur un mur en compagnie d'Humpty Dumpty auraient raconté avoir vu passer un nain habillé en cuir full patch assis sur une moto volante avec des roues en jambes de chien et des ailes de cochon. À ses côtés, dans le genre d'affaires à passagers qu'on peut attacher à une moto, il y avait Félix Leclerc, un grand poète québécois qui, récitant le vaisseau d'or en frappant sur un tambour en forme d'enfant, fouettait le nain en lui disant « Plus vite, plus haut !» Et là, je vous fais la version courte, ils se sont écrasés sa lune, créant l'un des cratères que l'on peut voir. Voilà, chasse-galerie, c'est une belle légende canado-française impliquant des nains qu'on nous enseigne, nous, à l'école. Sur ça, on se laisse en musique avec un groupe qui n'a pas de nains en son sein, mais qui fait de la bonne musique. Bonne fin de Lobster et à la prochaine! Fatigué d'expliquer. Utopiste debout. me chercher. Tout est si superficiel. J'ai envie de tout laisser tomber.